ça stream dans. Est-ce qu'on lance une nappe au moment où ça. Ouais. Ok. Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Chers auditeurs, nous te convions ce soir à incanter sur les ondes de Dieu Radio un monde fantastique, charnel et délibérément audacieux. Imagine un monde village aux journées crépusculaires et aux nuits longues, longues, longues. Imagine une ville-parc organisée en communauté où la chaleur nous prend aux tripes et où les moussons de la pluie sans fin sont attendus frénétiquement. Imagine des communautés où les humanoïdes à poils longs, coiffeurs et épilation formellement interdits, vivent nus, chaussures relativement tolérées, se baignent dans les canaux et ont des membres fluides, métamorphose, désir échéant, acceptation sociale unanime, avoir de la reconnaissance sociale, c'est s'assumer plein et entière, avec ces œufs qui éclosent dans le creux du bras ou avec cette si belle trompe. Aussi, la réprobation sociale communautaire se dirige contre les humanoïdes ultrasensoriellement internes, ceux qui utilisent le refuge interne que tous et toutes possèdent à l'intérieur d'elles-mêmes, le self-care comme déviance sociale, le soin de soi sacrifié sur l'autel du soin collectif perpétuel. Soin collectif qui est au centre de la vie communautaire lors des périodes de mousson. Imagine, il pleut sans cesse pendant des jours et il fait une chaleur torride. Lors des périodes de mousson sont organisés donc dans la grande boule géodée des rituels de joie, d'échanges de tendresse, de pratiques sexuelles débridées. C'est l'unique lieu de sexualité pour celles qui sont sélectionnées. Avec le toit de quelques folies. C'est aussi l'unique moment sanctifié pour ritualiser cette régulation des pulsions des humanoïdes. Certains, certaines ultra-sensoriellement intenses sont des pratiques déviantes d'isolation sensorielle, ce qui est sinon répréhensible. Pendant ces grands rituels de joie, certains, certaines peuvent pondre ou couver ou faire du sexe, c'est au choix. Les œufs qui éclosent alors sont couvés dans la grande boule géodée d'où des humanoïdes naîtront sûrement à un moment. Les liens de parenté se construiront au fur et à mesure de leur évolution selon les points communs sensoriels, les individus étant plus ou moins proches dans une famille comme entre familles, selon la nature et l'intensité de ces sensibilités. Thank you. Dans ce monde village dans lequel nous te proposons d'entrer avec nous, il y a 1000 ans, eut lieu la chute du poil. Les gènes des humanoïdes ne produisaient alors plus assez de poils. Tous et toutes étaient en train de devenir chauves. Finalement, en pratiquant les rituels de joie régulièrement et tout ensemble, leurs poils sont revenus. Il et elle ont eu si peur que c'est à partir de ce moment-là que les coiffeurs ont été strictement interdits. Il y a 500 ans commença le grand silence, période qui a vu la fin des ressources énergétiques jusque-là surexploitées. Pendant plus d'un siècle, il n'y eut plus d'électricité, les appareils bruyants qui assuraient aux individus leur mobilité sont devenus obsolètes et inutiles. Le silence de 150 ans qui a suivi a rendu fou, folle, une partie de la population du parc. Tandis que d'autres développaient des technologies permettant de générer une petite quantité journalière d'électricité à partir de la circulation d'eau dans les canaux du parc. Aujourd'hui, il y a un accès à l'électricité extrêmement réglementé, moins de 2 heures par jour et par communauté. Il y a 10 ans, la découverte et la culture de l'AVA, l'arbre à caoutchouc, a permis de développer des matières plastiques recyclables, mais aussi l'émergence d'un nouveau fétiche, celui de s'habiller, totalement ou partiellement, afin de cacher des parties de son corps et bloquer certains capteurs sensoriels. Des combinaisons moulantes en caoutchouc sont vendues au marché noir. Et aujourd'hui, certains utilisateurs et certaines utilisatrices extrémistes vont même jusqu'à les porter en dehors des périodes de mousson pour suer un maximum hors des périodes de plaisir officiel. Cette ville-parc, les habitants et habitantes, on se raconte l'histoire mythique de la clarté, un jour lumineux, éclairé par un soleil vibrant, où l'on verrait enfin complètement clair, où l'on verrait enfin complètement jour. Ici, on n'a jamais vu la lumière blanche. Ici, les couleurs vives n'existent que dans les paroles des vieux humanoïdes, qui en parlent comme d'un lointain souvenir, mais alors je crois que personne ne les écoute vraiment quand ils et elles en parlent. Ici, le crépuscule est roi et on ne voit jamais complètement les contours de nos âmes. Ce sont les mêmes vieilles personnes, ce sont les mêmes vieux humanoïdes qui parlent de la légende du large vêtement, paraît-il. Certaines communautés extravillestres mettent sur leur corps des bouts de tissu plus ou moins adaptés à leur situation corporelle. Ceci est une histoire terrifiante de contraintes et de non-liberté, et les humanoïdes qui vivent là ne comprennent pas vraiment les raisons de telles contraintes vestimentaires et corporelles. Enfin, à l'heure où je vous parle, auditeurs, auditrices, à l'heure où nous sommes là, des scientifiques de cette communauté sont en train de mettre au point un système de stockage d'eau où l'on pourrait enfin se baigner tout le temps et s'hydrater continuellement pendant les rituels de joie et de toute l'année. Ce système permettrait de mettre en place un immense barrage électrique pour retrouver plus d'autonomie énergétique et une potentielle mobilité, bien que ce terme et cette expansion scindent la communauté entre les pro-énergie et les pro-éco. La communauté de marginaux et marginales amateurs amatrices de caoutchouc fantasme déjà sur des systèmes d'irrigation permis par un tel dispositif de stockage afin d'augmenter le rendement des AVA et produire plus de combinaisons moulantes. Les canaux traversant le village monde étant utilisés comme instruments de mobilité, ce système de rétention d'eau permettrait alors une fouille plus sûre et plus lointaine du monde en aval de la rivière par les œufs bouteilles à la mer qui sont envoyés par grappe d'exploration. Nous, ce soir, ici et maintenant, tout de suite, voyageuses astrales multivers, vous proposons de vivre avec nous incarnation humanoïde et découverte d'un monde désirable. Lecteur, lectrice, qui a envie d'être voyageuse pour ce premier monde astral? Des gens sont en train de piocher, de chercher dans leurs souvenirs quelque chose qui pourrait les aider à se rappeler ce qu'elles ont vu, par quoi elles ont été habitées. Du cercle, on te surélève légèrement et on va tapisser tout le reste du monde pour toi. Ok. Ok, je pense que je vais raconter une histoire de... Je crois que c'est une histoire de sororité. Et le déclencheur est main dans la main au petit matin. Main dans la main au petit matin. Main dans la main au petit matin. Voyez-vous, lorsque nous cherchons à nous souvenir de ce que nous avons vu à l'intérieur de nos voyages astraux, nous utilisons ce que l'on appelle un déclencheur. Ce déclencheur va projeter des fragments de mémoire dans l'esprit des autres. Que ce soir, nous allons appeler les guides. Et les guides doivent poser des questions à la voyageuse pour réactiver les souvenirs du dernier voyage astral. C'est un peu obscur pour le moment, mais vous comprendrez bien vite. Était-ce main dans la main d'une personne que vous connaissiez? Oui, c'était une personne qui faisait partie de ma communauté et de ma famille. On avait des sensibilités en commun. peut rester avec nous. Un peu, peut-être, juste un tout petit peu. Elle peut rester un tout petit peu avec nous. Est-ce que la voyageuse reste avec nous ? Pas trop loin de nous. Alors, d'accord. Est-ce que vous pourriez ne pas m'abandonner sur le bord de la route, s'il vous plaît ? Oui. Allez, bien, on t'emmène. Je t'ai mis en clair-obscur. Ok, hyper bien. Crépusculaire, c'est super. Bon alors, à vous les questions, là. Est-ce qu'on peut reprendre la première question, car je n'ai pas écouté ? J'étais main dans la main avec une personne proche qui était quelqu'un de ma famille. On avait une sensibilité en commun. Est-ce que vous étiez sur la plage la nuit ? Sur la plage abandonnée, coquillages et crustacés. Oui. Nous nous réunissions la nuit sur la plage pour pratiquer des rituels sexuels encore tabous dans la ville-monde où nous habitions à ce moment-là. Ces rituels un peu tabous incluaient-ils du caoutchouc ? Oui. Et je devrais vraiment pas en parler à un micro. Est-ce que la voyageuse a suffisamment d'éléments pour commencer le voyage ou lui faut-il une question supplémentaire ? J'étais ok dans ma famille sensorielle on est extrêmement sensible des oreilles. Tous les bruits nous parviennent avec une espèce d'extra lucidité. Donc par exemple j'ai une capacité à entendre des sons qui sont très très très loin de moi. Et quand j'étais petite, c'était hyper handicapant parce que du coup, n'importe quel son était hyper stimulant et hyper... Tac, tac, tac, il y en avait partout dans le temple de mes oreilles et c'était très vite invivable. Mais... j'ai vite trouvé des personnes qui avaient les mêmes sensibilités que les miennes et notamment notamment plusieurs humanoïdes, en fait, qui sont devenus assez vite ma famille proche. Comme on entendait tout très fort, on se parlait en chuchotant, et on se parlait très peu, en fait. Et c'était des relations qui étaient basées sur une communication extra-langagière et intraveineuse. Et c'était très apaisant. Et puis, il y avait cette humanoïde qui en fait dans le cadre de cette famille il y avait une personne qui avait un emploi de scientifique d'état et qui a participé à la découverte de l'AVA il y a une dizaine d'années, une découverte qui a entraîné plein de modifications dans notre monde et qui a été très importante. Et du coup donc l'AVA, cette plante en caoutchouc qui sert à plein de choses mais notamment à créer des combinaisons moulantes pour limiter les stimulations corporelles. Et alors, je dois dire que je me sens assez à l'aise avec... En fait, il y a un jour où cette personne... Enfin, je ne me souviens plus exactement comment ça s'est passé, mais je crois qu'un jour, cette personne est arrivée avec un bout d'AVA et nous a dit « bah, venez, on teste, quoi. Enfin, » Nous, on entend tout à 360 degrés, on a toujours du son dans le cerveau, toujours du son dans les oreilles. En vrai, en dehors de notre communauté, la vie, elle est invivable, tout est beaucoup trop violent, tout est beaucoup trop, tout le temps, trop fort. On se fait agresser en permanence par qui, avec son ensemble Bluetooth, qui arrête pas de brailler. Et là, il est arrivé avec cette espèce de solution miracle qu'il venait de découvrir. Ok, qu'est-ce qu'on a fait ? Sans rien dire, vous avez attrapé la combinaison en caoutchouc et l'avez enfilée. Tous. La même. Chacun leur tour, tu veux dire ? Non, non. Où était-ce plus tôt ? Vous choisissez d'abord de trouver un endroit sûr ou tester cette combinaison sans être repéré. Je crois que j'ai plutôt choisi un endroit safe pour me déshabiller, puis enfiler cette combinaison. Alors évidemment, j'étais pas seule, parce qu'on avait tous et toutes envie de tenter cette expérience sensorielle nouvelle. Mais en fait, on s'est assez vite rendu compte que cette histoire de combinaison ne nous simplifiait pas la vie, nous, avec nos grandes oreilles, et que c'était pas du tout adapté à notre stimulation sensorielle, et que c'était pas du tout apté à nos stimulations sensorielles, et surtout à nos pratiques désirables, et que... Enfin, moi, je jouis par les oreilles, quoi, je suis désolée. Et... Du coup, c'était... Enfin, ça avait le goût de l'interdit, ça avait le goût du danger, ça avait le goût du tabou et de... Et de la norme avec laquelle on joue, et c'était assez... oui, c'était assez rigolo. Mais pour autant, c'était pas complètement satisfaisant. Qu'est-ce que j'ai fait ? Vous l'avez embarqué avec vous ? Vous jurant de la réessayer plus tard, pensant que c'était quelque chose qui nécessiterait de l'entraînement et de la pratique. Ou plutôt, vous trouvez une autre façon de jouir sans l'aide de la combinaison, en plongeant un jour votre tête sous l'eau, et vos oreilles se retrouvent complètement emplies de liquide. Je choisis d'embarquer la combinaison et de la pratiquer régulièrement, remettre un peu tard, tout en mettant ma tête dans l'eau et en jouissant par les oreilles, enfin. et en fait, c'est instauré cette espèce de rituel avec donc, toute cette petite famille. On était 6, 7, 8, ça variait des fois, à enfiler cette combinaison à tour de rôle et à s'entraîner, à ressentir des plaisirs différents. Alors on faisait ça dans un endroit un peu caché, un peu sombre, un peu obscur, et surtout sur la plage, parce que ça nous permettait d'être juste à côté de l'eau où on pouvait plouf, enfouir notre tête sous l'eau et sentir le liquide pénétrer mes orifices. De l'oreille. Est-ce tout ce dont vous vous souvenez ? Je me souviens aussi de ce jour où... on a essayé de découper une combinaison de caoutchouc pour la mettre dans l'oreille en se disant si ça atténue comme ça toutes les sensibilités corporelles, alors peut-être que enfin en termes d'écoute, ça va nous permettre d'être quelque chose un peu plus apaisé que cette espèce de surstimulation permanente. Et c'était complètement raté. Ça marchait pas du tout. C'était très décevant. En fait, on a découpé le truc, on a essayé de l'enfoncer, puis on a essayé de le mettre un peu comme du latex. On a essayé de l'étirer le plus possible, après on a essayé de prendre les deux oreilles en même temps, après on a essayé de juste prendre les pantalons et de les mettre sur les oreilles. Et après on a essayé plein de manières différentes, on a essayé de mettre que la tête dans la combinaison. Échec complet, ça n'a pas du tout marché, jouissance zéro, stimulation pas terrible. Du coup on a un peu laissé tomber. Du coup en fait on s'est dit que peut-être ce qu'il nous fallait à nous, notre petit groupe, c'était ces rituels de plonger dans l'eau et la combinaison, on voit, voilà. Donc on plongeait régulièrement et en fait un jour on a fait ça toute la nuit, plonger la tête dans l'eau, ressortir la tête dans l'eau, plonger la tête dans l'eau, ressortir la tête dans l'eau. Et donc forcément on est dans des états d'excitation corporelle et surtout de connivence dans cette petite communauté conformée, puis surtout c'était interdit, c'était vraiment notre noyau à nous qu'on pouvait faire ça. Et je me souviens de... C'est... La nuit est un peu moins noire et le crépuscule commence à se lever et on sort de l'eau main dans la main avec... On se tient toute la main et c'est juste hyper apaisant ce moment d'énergie collective qui se crée après avoir passé cette folle nuit de sexualité et de jouissance aquatique. Et on était là juste à rentrer et après on a essayé de se cacher parce qu'on s'est dit que c'était interdit ce qu'on avait fait, du coup bon, c'est devenu compliqué, mais en tout cas cette espèce de crépuscule qui se lève avec toute ma communauté en fait qui est là. Et du coup, lorsque vous pensez... Du coup, lorsque je pense main dans la main au petit matin, ça me fait penser à ce sentiment de la sororité. Ça se construit et ça se construit par des échecs, beaucoup des fois, et ça se construit par des moments de difficulté et ça se construit par des moments où on se sent seul dans le groupe et on se sent seul dans l'adversité et ça se construit quand même. Et je me souviens, main dans la main au petit matin, ça me rappelle que le crépuscule se lève toujours, et qu'il y a toujours un lendemain. C'est un très beau souvenir. Oui. Est-ce que tu passes le flambeau à... Parce que comme signe de passage de flambeau, on en profite pour faire un changement de d'oxygénation sonore pour s'enrober autrement. Ok. Alors, qui part pour notre prochain voyage astral ? Avoir la carte mémoire. disque dur là. On a plus de disque dur. On l'a perdu. Un souvenir globalement de quoi? C'est... D'abord, je vais prendre un peu de recul. Est-ce que je peux revenir avec vous? Je viens de sortir du flou gaussien. Ouais. Il faut faire revenir la première voyageuse. Oui. J'accède à un premier plan. Dans l'arrière-plan avec les autres guides. Je crois que c'est une histoire l'odeur du bitume mouillé. Je crois que c'est une histoire de colère. Okay. C'est une histoire de grande colère. Ok. Est-ce que ça se passe juste après une terrible mousson? Oui, ça se passe après une incroyable mousson. Pour ceux qui ont raté le début de nos histoires, sachez que la mousson est la période de jeu de plaisir et aussi de reproduction chez les humanoïdes. Nous sommes allés visiter lors d'un voyage astral. Donc oui, c'était une incroyable mousson et j'avais décidé de couver les œufs d'une amie. Était-il arrivé un problème à ces œufs? Oui. Oh non. Il était arrivé un terrible problème à ses œufs. Quelqu'un avait décidé de jeter les œufs dans le canal pour qu'ils fassent partie d'une grappe d'expéditions migratoires faite pour coloniser le territoire qui existe par-delà l'énorme parc dans lequel nous évoluons. Est-ce que cela t'a mené à réaliser quelque chose de fortement interdit dans ce monde qui a consisté à plonger dans le canal après ses œufs? Oui. Mais peut-être vais-je avoir besoin d'un point d'aide récapitulatif sur ce qu'il y a d'interdit à plonger dans le canal? Je viens de l'inventer. D'accord. Si ça ne te convient pas, on peut l'enlever. Si, j'ai justement découvert qu'il était interdit de se jeter dans le canal pour sortir du parc. Ce point d'orgue. Je crois que mes souvenirs commencent un peu à fixer la scène. C'était après une terrible mousson. J'avais joué avec une multitude de partenaires, on avait expérimenté des choses sensorielles et je m'étais lié d'une profonde amitié. Et c'était une amie, un ami, enfin on savait plus trop, mais elle s'appelait India. Et elle m'avait confié ses œufs pour que je les couve et que j'en prenne soin. C'était du matériel génétique de très grande qualité et je m'étais porté garant de la conservation et de la bonne restitution de ce matériel. Sauf que voyez-vous, la couvée est un travail très exigeant, hein, parce qu'il faut maintenir la température à certaines heures de la journée, mais il ne faut pas oublier de se réalimenter, il faut pouvoir dormir sans écraser les œufs. Donc à un moment, j'ai fait une petite pause, et... mais peut-être 20 minutes, peut-être... Et là, je crois qu'un groupe de personnes qui étaient, entre autres, venues à l'intérieur de la géode, qui est l'espace où sont stockés les œufs qui vont être couvés, étaient venues dans la géode changer un microfilm qui permet de filtrer le soleil. Et, à la même occasion, il a été décidé que ces œufs devaient être envoyés en mission d'exploration en étant jetés dans la prochaine grappe d'exploration de par-delà le territoire du parc. Et moi, je m'étais engagé auprès de Andia. Qu'ai-je dit ou qu'ai-je fait lorsque je me suis rendu compte de la disparition de ce prodigieux matériel génétique? Je crois qu'un guide veut m'aider là-bas. Vous vous êtes précipité en courant hors de la géode à la recherche des œufs qui devaient déjà être mis dans le canal. Tu te disais que si tu courais assez vite, tu arriverais à les rattraper avant qu'ils soient complètement sortis du village. Mais... sorti de la géode, tu te fais arrêter par un groupe de 5 humanoïdes qui te demandent où est Toutankhamon. Où est Toutankhamon? Toutankhamon, il est où? Chez nous. Tu le sais. Il est où? Où? Ou alors, qu'ai-je fait ou qu'ai-je dit? Tu récupères des combinaisons de caoutchouc. Tu les couds ensemble pour faire un petit radeau. Tu te jettes dans le radeau pour essayer d'aller ainsi plus vite, porté par le courant jusqu'aux yeux. Je crois que ce que j'ai fait, j'ai attrapé deux ou trois combinaisons. Je suis sorti précipitamment de la géode. J'ai agrippé deux ou trois combinaisons à la recherche de cette grappe d'œuf. Au passage, je rencontre un groupe d'humanoïdes qui me demande où se trouve la grande halle de Toutankhamon. Je leur indique, en pleine course, je leur indique, je les dépasse, je me retourne pour leur répondre, et je finis tout en courant, mais pas Toutankhamon, je finis tout en courant ma spirale, et je me précipite dans l'eau. Est-ce que je peux m'écouter compter? Je me précipite dans l'eau sur une espèce de barque planche de surf que j'ai confectionnée en agrippant des planches de caoutchouc. Et là, je me jette dans le canal à la recherche des œufs. À cet instant précis, dévalant peu à peu le canal, je vois un groupe de scientifiques avec un caddie contenant énormément d'œufs. J'étais prêt à partir, mais à cet instant précis, qu'ai-je dit ou qu'ai-je fait? Vous avez essayé d'acheter des œufs aux scientifiques pour remplacer ceux que vous aviez perdus. Ou alors, vous avez activé la mutation de votre bras droit pour le transformer en troupe afin de l'amener jusqu'au caddie rempli d'œufs et renifler l'odeur pour voir si c'était les œufs que vous cherchiez. Tu me renvoies la basse. Voilà ce que j'ai fait. J'ai transformé mon bras droit en une très longue trompe qui m'a permis de m'agripper à un ponton. J'ai retiré en me disant que peut-être que les œufs qui étaient dans ce caddie n'avaient pas été encore jetés. Je suis remonté sur le quai et là j'avais bien deux idées en tête. Petit 1, j'allais les renifler en espérant que c'était les bons œufs. Petit 2, je commençais à me dire que peut-être je remplacerais le matériel génétique perdu en rachetant ces œufs. À cet instant précis, je remonte sur le ponton, je dis attendez, attendez, et là, les scientifiques, ils s'en battent les couilles. Ils ont jeté. Attends, t'as dit quoi ? À cet instant précis, les scientifiques jettent, malgré tout, le caddie dans le. Dans le canal. Qu'ai-je dit ? Ou qu'ai-je fait ? Tu as jeté une malédiction contre l'intégralité des scientifiques de ta communauté. Ou alors ? Combustion spontanée. Combustion spontanée. J'ai brûlé d'une telle colère que j'ai plaqué le groupe de scientifiques et que je leur ai enfoncé le museau sur le sol et qu'ils ont pu sentir l'odeur du bitume mouillé. Et aussi j'ai replongé et j'ai repêché les œufs de Andia. En sortant, on m'a expliqué qu'il était interdit pour un adulte de se jeter dans le canal car aucun adulte qui s'était jeté dans le canal pour aller plus loin n'était jamais revenu. Mais chaque fois que je sens l'odeur du bitume mouillé, je pense au visage de ceux qui ont volé du matériel génétique précieux et qui, faute d'avoir attendu que je remonte du ponton pour vérifier avec eux, l'ont payé par une gorgée d'eau dans chaque narine à la suite d'une combustion spontanée. Combustion spontanée. Avez-vous encore un peu d'énergie pour une autre histoire ? Oui. Vous préférez vous faire une pause, peut-être ? Non ! Oh, pas tout de suite. Autogestion. Non, moi je ne dis pas. Oui. Autogestion autoritaire. Est-ce que je pourrais avoir moins d'effet sur ma voix ? Non, sur les aux, je veux dire, en fait, je crois que à chaque fois qu'une voyage, elle est moins dans l'espace sonore que les autres. Un, deux. Et toi, Chris, si tu veux retrouver des effets. Moi, j'ai retrouvé des effets. Ah, bon. C'est qui ma guide ? C'est moi. T'en as envie ? Oui. Allez. Alors. Oh. vous invite, chère voyageuse astrale, à tirer une proposition de direction, un déclencheur directionnel, un environnement spatial dans lequel nous pourrions nous remémorer ce voyage astral en... Alors, j'ai juste un petit problème de... Je vais simplement attendre que l'espace autour de moi se trouve et se positionne. Est-ce que c'est le bon espace ? Ah, ça me paraît pas mal. Est-ce que l'on monterait pas le volume pour doper ? Vous êtes toujours à l'écoute de Story Caring. Ok. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prête pour des chaussettes à paillettes? Oui! Toujours. Bah, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bon, non? C'est pas bon? Mais presque. Alors, des chaussettes à paillettes. Des chaussettes à paillettes. Est-ce que vous les portiez avec des chaussures? Oui. Car les chaussettes et les chaussures sont les seuls vêtements autorisés dans notre monde. Et c'est un peu notre seul moyen d'expression. C'était donc mes chaussettes et mes chaussures préférées. Ça veut dire que ces chaussettes à paillettes étaient donc porteuses d'un message caché ? Révolutionnaire, probablement. Oui. Parce qu'elle cachait mes pieds qui étaient épilés. Je sais. Je vous le dis à vous parce que c'est un voyage astral et que je sais que personne d'autre nous écoute. Mais j'épile mes pieds. Et pour ne pas que ça se sache, je mets des chaussettes. C'est pas très hygiénique. Je ne savais pas que les petites voix dans ma tête jugeaient mes pratiques. De rien. Est-ce que vous vous rasiez les pieds parce que c'était très agréable d'avoir les pieds rasés? Oui. Un peu comme si c'était une pratique sensorielle. Oui, alors je vais peut-être vous choquer, mais dans notre monde d'extrasensoriel, moi j'ai l'impression de ne pas sentir autant que tout le monde. Et le fait de me raser les pieds me permet une plus grande surface de réception des matières qui passent sur mes pieds, qui me caressent ou qui me procurent de la douleur. Est-ce que vous avez assez d'éléments pour commencer une histoire ? Est-ce que vous voudriez encore une autre question ? Je veux bien une dernière question qui amorcerait peut-être un récit. Parce que je n'en ai pas. Est-ce que l'une d'entre nous a une question ? Avec ces chaussettes à paillettes que vous portiez précisément ce jour-là, Vous rendiez à une fête? Oui. Ouh. J'allais à une fête chez Ginette. Ça rime avec chaussettes à paillettes. C'est pour ça. C'était une fête. C'était pas une fête qui se passait pendant la mousson. Ce qui n'est pas interdit, mais un petit peu déconseillé. Je crois que j'ai assez d'éléments. Si vous êtes OK pour tisser des trucs sonores, pendant que je rassemble ces éléments, je voulais... Ouais. Merci beaucoup. Est-ce qu'on vient d'entendre Ginette? Est-ce que quoi? Ginette a fait la tâche. Est-ce qu'il peut y avoir des dialogues dans notre histoire? Pour plaisir. Tu veux bien être ma Ginette? Toujours. Ok, j'ai une idée. Ok, coucou. Donc je me rappelle... Non, alors Ginette, par contre, c'est seulement quand on parle, quoi. Là, je suis en mode monologue. Parce que Ginette, elle est gentille, mais... Est-ce que je vous ai pas dit? Ouais. C'est que c'était pas des chaussettes courtes, ce que je portais. C'était des bas qui montaient jusqu'aux cuisses avec des cuissardes. Ah ouais. Comme ça, j'ai pu raser la moitié de mes jambes, quand même. La seule personne à qui j'avais parlé de ma pratique épilatoire, c'était Ginette. Avec Ginette, on s'entendait bien parce qu'elle avait une déformation génétique qui faisait qu'elle n'avait pas de corde vocale. Et pourtant, elle avait réussi à inventer son propre langage. Donc, je me souviens juste que Ginette m'a invitée à une fête, que je trouvais Ginette assez sexy, même si je la connaissais pas très bien, et que sa petite voix bizarre, elle me faisait des sortes de fourmillements dans les mollets à chaque fois qu'elle me parlait. Du coup, quand elle m'a dit... Qui veut dire... Dis donc. J'ai dit oui, je veux venir à ta fête demain soir, Ginette, avec plaisir. En plus, c'est en dehors de la mousson, c'est un peu... C'est un peu excitant, quoi. Personne ne fait jamais ça. Donc, comme elle me l'a demandé, j'ai ramené du vin. Et là... Je frappe à la porte. Et qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que je fais? Ginette ouvre la porte. Et là, prise d'une pulsion, vous lui dites: écoute Ginette, j'ai exprimé un désir, mais juste je l'exprime. Après, on en fait ce qu'on veut. Et on n'est pas obligé de répondre à ce désir maintenant. J'ai une folle envie de te prendre dans mes bras. De quoi t'aurais envie? Ou serait-ce plutôt... Ginette ouvre la porte et vous vous apercevez qu'elle porte des longs gants qui lui remontent presque jusqu'aux épaules. Ginette ouvre la porte et porte des longs gants jusqu'aux épaules. Des gants en velours noir ou plutôt serait-ce du caoutchouc. En tout cas, c'est une matière qui a l'air de tenir définitivement très chaud. Je m'aperçois que quand elle bouge les bras, ça produit un bruit de crissement ou de grincement un peu avec le caoutchouc. Ce que je trouve assez sexy. Je regarde ses bras, elle regarde mes jambes, on échange un sourire complice. Et là, Ginette me dit... Je dis oui. Enfin, pardon. Je peux pas répondre parce que je me souviens pas bien. Donc Ginette me demande si je veux danser. Qu'est-ce que je réponds ? Oui. Oui. Ou serait-ce plutôt ? Oui. J'entre donc dans la maison pour danser avec Ginette. Dans cette fête, il y a une musique étrange qui fait penser un peu à un sonar sous-marin, un petit bip qui résonne, assez répétitif, qui ressemble un peu à une alarme ou une sonnerie de four à micro-ondes. Ginette a l'air à fond dans cette musique. Et je regarde autour de nous et je m'aperçois qu'en fait, toutes les personnes qui sont présentes ont une partie de leur corps qui est recouverte de cette matière en caoutchouc. Certains portent des cagoules, d'autres des simples bandeaux autour des poignets. J'aperçois quelqu'un avec une écharpe en caoutchouc aussi. Et avec Ginette, on commence à se déhancher d'une façon grégaire, comme c'est le cas dans notre pays, dans notre ville, village, parc. On danse, et je sens la sueur qui commence à affluer au niveau de mes jambes, de ma peau nue et fraîchement rasée contre mes bottes en caoutchouc, moulantes, qui remontent jusqu'aux cuisses. Et puis à un moment, je commence à perdre l'équilibre parce que j'ai tellement transpiré que je ne tiens plus debout dans mes chaussettes et dans mes chaussures. Je suis un peu gênée parce que je connais pas trop les gens. Je ne sais pas s'ils sont OK avec la sueur, s'ils sont OK avec les parties du corps rasées. Je ne sais pas si les gens sont rasés sous leur caoutchouc. J'en sais rien, en fait. Je me sens un peu comme un freak. Et Ginette est la seule personne que je connais un petit peu. Alors qu'est-ce que je fais ? Ginette est là, Ginette vous voit, seule, assise sur une chaise dans le fond de la salle. Ginette arrive et vous tend la main et lui dit « Viens ». Vous sortez ensemble dans le jardin et elle vous dit « Tu sais, mes gants, c'est pas juste des gants. » Ou serait-ce plutôt... Vous arrivez chancelante vers Ginette en tenant à peine debout dans vos chaussettes. Et Ginette, vous voyant chanceler, vous propose de monter à l'étage dans sa chambre pour vous reposer et enlever ses chaussettes qui manifestement vous gênent. Ginette approche de moi, me tend la main et me propose d'aller avec elle dans le jardin. Nous sortons dans l'air étouffant et crépusculaire de notre parc. Nos silhouettes se reflètent dans la boule gigantesque destinée au rituel de procréation et de plaisir. Ginette me dit, tu sais, sous mes gants, c'est pas juste des gants, quoi. Et elle me tend le bras, comme pour m'indiquer de lui enlever le gant. Je commence... Donc, je tends les mains et je commence à dérouler le gant en m'assurant qu'elle est OK. Et elle me fait signe qu'elle est OK de la tête avec un petit sourire coquin. Donc, je commence à dérouler le gant. Et qu'est-ce que je vois sous le gant ? Des bras fraîchement épilés. ou serait-ce plutôt de la peau nue imberbe et talquée. De la peau nue imberbe et talquée. Et je comprends alors. Oh oui. Il y a une troisième proposition. De la peau nue imberbe et lubrifiée. Croyons voir une transpiration abondante sur la peau de Ginette. Je me penche pour renifler son odeur et je m'aperçois que cette odeur de fraise est sans doute chimique et donc vient sans doute d'un lubrifiant qu'elle se serait appliqué sur les bras. Qu'est-ce que je fais ? Proposition. Est-ce que ça vous dit de continuer cette histoire sous forme de spirale ? Moi, ça me va. Ok. Donc, je m'aperçois que c'est du lubrifiant qui se trouve sur les bras de Ginette. Je me sens tout émoustillée. Mais je ne sais toujours pas si elle est ok avec l'idée de la transpiration abondante qui se trouve dans mes cuissardes. Que particulièrement j'aime beaucoup et je me sens un peu timide. Qu'est-ce que je fais? Je prends mon courage à deux mains et je regarde Ginette et je lui dis écoute, je transpire beaucoup pour toi et j'aimerais enlever ma chaussure et ma chaussette à paillettes. Est-ce que tu serais ok avec ça? Ginette me regarde droit dans le fond des yeux. Je te dis. Je lui dis Ginette. Ginette, mes jambes transpirent pour toi, j'ai honte. Si tu consens à m'aimer tel que je suis, déshabille-moi. Ginette me prend par la main et m'invite à m'allonger sur l'herbe fraîchement mouillée après la mousson d'il y a 3 jours. Je sens le contact frais de l'herbe sur mon dos et ma respiration s'accélère. Ginette se penche alors vers mes cuissardes et délicatement, avec ses dents, entreprend de dézipper le zipper de la fermeture éclair de ma cuissarde gauche. Je m'aperçois alors que, bien que n'ayant pas de corde vocale, Ginette a la possibilité d'ajuster ses dents à la bonne taille pour s'en servir comme des petits outils. Elle arrive donc très facilement à dézipper ma cuissarde, me déchausse et commence à humer l'odeur qui s'évapore de mes cuisses. Et mes poils, à son contact, se hérissent. En fait, j'ai pas de poils, c'est pas possible. Donc, c'est pas mes poils qui se hérissent, mais j'ai la chair de poule. D'elle. J'ai 3 idées par seconde qui me passent par la tête, aucune que j'arrive à réaliser. Tout ce que je peux faire, c'est lui dire... Encore. Encore. S'il te plaît. S'il te plaît. S'il te plaît. Encore. S'il te plaît. T'arrêtes encore. Pas. T'arrêtes pas, putain, t'arrêtes quoi? Arrête pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Elle passe sa langue. La langue du caoutchouc sur mes cuisses. Elle lèche ma sueur. Jusque dans le creux du genou. Je sens ses dents. En haut de mes mollets. Elle descend encore. Elle écarte le pan de la cuissarde. Elle descend. Les cuissardes sont sur mes mollets déjà. Sur mes chevilles. Encore. Dis-moi ce que tu veux. Encore. T'arrêtes pas, putain, t'arrêtes pas. Tu l'as vu où? Tu l'as vu où, ma langue? Tu l'as vu où? Tu l'as vu où? Mais toi. Je veux que tu me mordilles avec tes dents en forme de petit triangle et que tu me mordilles doucement puis de plus en plus fort jusqu'à ce que tes petites dents forment des points rouges sur ma peau. Je veux que tu me fasses mal juste un peu pour commencer. Et que tu remontes petit à petit le long de ma jambe. Mords-moi la cuisse, remonte encore un peu. Mords-moi plus fort la hanche. Vas-y, vas-y, mords plus fort, vas-y, mords plus... Ah. Attends. Ginette, elle me dit Attends, t'es sûr que tu veux... Enfin, ça va, t'es sûr, hein? T'inquiète, j'ai l'habitude, vas-y. T'arrêtes pas. Je peux m'en, je te dirai si c'est trop. Vas-y, continue, s'il te plaît. Vraiment, t'arrêtes pas. N'aie pas peur, vas-y, quoi. Regarde-moi. Toi, ça va? Elle me dit... Elle me regarde. Elle ouvre la bouche. Et là, je vois deux dents... mais immense, qui commence à s'agrandir comme des dents d'un... ces animaux qui ont des immenses dents. Tu sais, ceux qui ont disparu. Ouais, ceux qui ont disparu. Ceux qui avaient des petites boules. Ouais. Peut-être qu'ils n'avaient pas vraiment disparu d'ailleurs. Elle me regarde et... des dents immenses qui descendent jusqu'à ses clavicules. Ça salive sur ses dents immenses. Salive qui coule légèrement. Et toujours son petit sourire. Ouais, moi ça va, ouais. Là, les choses sérieuses commencent, là. Là je me dis, ok, j'étais ok jusque-là. Est-ce que je suis encore ok? Est-ce que ça va? Est-ce que ces dents... Enfin, j'en ai jamais vu des aussi longues, quoi. Ok, il faut qu'on parle. Ok, Ginette. C'est dents. Allez, wow. Attends. Tu vas jusqu'où avec ces dents? Et puis on est dans ton jardin là. Et puis il y a des gens dans la maison qui font la fête. Enfin, qu'est-ce qu'on fait quoi? Et on est en période hors mousson. Mais c'est dingue, putain, c'est dingue. Putain, je crois que ça m'excite. Ginette me regarde et me dit, si ça te rassure, tu peux les toucher avec le bout de ton doigt. Et comme je peux changer la forme de mes dents, si tu les trouves trop pointues, je peux arrondir un petit peu le bout. Je crois que j'aime bien le pointu. J'aime bien quand c'est pointu aussi.

Demain, c'est le début de la troisième mousson de cette année. Alors moi, je sais pas vous, moi je suis surexcitée, je n'attends que ça, que enfin il pleuve. J'en peux plus de cette chaleur à crever. Et en plus, c'est le jour où le soleil est à son zénith. C'est le seul jour de l'année où on a un peu plus de lumière que d'habitude, juste avant la pluie. Tu sais, ce moment entre midi et midi 23 où on a une lumière presque blanche, quoi. Un petit moment d'illumination avant que tout s'assombrisse à nouveau. Du coup, demain, c'est la grande purge. Combustion spontanée. Demain sera incandescent. Demain sera quelque chose qui ressemblera à une fête, mais qui ne sera pas une fête. Sera peut-être. Moi j'ai pas été sélectionnée pour aller dans la géode demain. Je participe pas au grand rituel. C'est pas grave, Ginette non plus. 06 un peu, ouais, que j'ai son 06. Mais je lui demande avant. Bah carrément, okay. Et puis faut que ça, qu'elle ait envie. Bah, d'après ce qu'elle m'a dit, j'ai l'impression que c'est plutôt oui, mais j'avais l'impression qu'elle avait plutôt envie aussi. C'est mais bien de. Je préfère m'en assurer. Et puis je veux pour toi, ce soit ok, tu vois, afin que ça te pose vraiment pas de problème. Enfin, je veux m'assurer que ce soit ok pour chacune, quoi. Ginette, quoi. Demain, on renoue avec notre instinct animal. Demain, on crie avec du son. Je sais pas, je suis pas sûre. Demain, je sors de la violence avec toute ma violence. Thank you. sortir de la violence. Vous le saurez demain. À quelle heure ? Vers 20h. Ou 20h10. Dans un espace pas très éloigné du nôtre. Un monde un peu parallèle, quand même. Personnes qui nous ont hébergés, et soutenus, accueillis, portés, prêtés un lit, fait à manger, qui nous ont prodigué du soin et de la tendresse, prêté un vélo, un chat, de l'immobilier, des aubergines, un jardin. Urbain. Une baignoire, une baignoire, ah, une cafetière, de la wifi. Merci à toutes les personnes qui ont traité des douches et des baignoires, des canapés, des cafés crème allongés avec un cœur dedans. Sébastien et Monique Vodstani. Georges et Anna et Alexandre. Aujourd'hui c'était merci, demain ce sera différent. Combustion. on laisse éclater la fureur. Demain, on détruit ce qui nous fait violence. Demain, on projette toute la violence. Tout ce qu'on a en nous, tout ce qu'on prend sur nous tous les jours, tout ce qu'on prend sur nous, sur nos petites épaules tous les jours, tout ce qu'on supporte alors qu'on n'est pas consentante à supporter tout ce putain de bordel dans lequel on nous a laissé, dans lequel on nous a fait vivre, dans lequel on nous a fait grandir. Ouais, demain, on défonce tout ça. Demain, nous aurons la puissance.